Donc, bien, ça se passe au Texas, comme toutes les chansons country. C'est bien, ça commence bien. Bon, bah, taper dans les mains, comme ça fera un peu de percussion, quoi. En même temps, c'est encore mieux. Je sais pas en jouer. Car ici chaque soir nous brûlons un noir sur des grandes pointes. Ça nous remet d'aplomb jusqu'au prochain soir. Allez, bonne nuit. Oh, moi et mon cheval auprès d'un feu de bois. Je vais enfin revoir le Texas de papa. Ensuite nous irons faire un petit tour à la frontière. Et pour bien nous amuser avec tous mes frères, nous défendrons les vraies valeurs des bons républicains, en exterminant tous les immigrés mexicains. Yeah! Oh, moi et mon cheval au fait d'un peu de bois. Je vais enfin revoir le Texas de papa. Oh, moi et mon cheval, après la fin du mois. Je vais enfin revoir le Texas de papa. Oh, moi et mon cheval, auprès d'un feu de bois. On appelle Clément Jameau. Et son casou. Surtout. Tu verras, de toute façon, on dira un moment, on dira solo et tu feras ton solo de casou, d'accord? C'est pas trop compliqué, je comprends, je pense. Non, non, clairement non. C'est notre tube. 1, 2, 3, 4. Ah bah attends. Peut-être mettre du volume.